Bonjour à vous tous, nous sommes le 5 septembre 2019. Voici le journal, la grande édition de cette mi-journée. Tout de suite, la charpente. Le rapport annuel de la commission onusienne d'enquête sur le Burundi fait état de la persistance de violations graves des droits de l'homme depuis le mois de mai 2018 et relève aussi un climat de peur à quelques mois des élections générales. Au niveau du gouvernement, pas de réaction, du moins pour l'instant. Et le délai d'un mois qui avait été donné aux mécaniciens de Buyenzi depuis novembre 2018 pour enlever les épaves qui s'observent toujours dans certaines avenues est largement dépassé. Et deux enfants vivant en situation de rue poursuivis pour viol et homosexualité restent retenus au cachet de la police à Muyinga depuis deux jours. Notre correspondant nous donnera les détails. Et dans la rubrique Parlons Femmes des jeudis, notre reporter nous conduit sur la colline Kayové en commune et province Rutana. Ce sera pour nous dire que la vie de femme dans le ménage est souvent déconsidérée par son conjoint. Voilà pour le sommaire. Isanganiro. Des violations graves des droits de l'homme continuent d'être commises au Burundi depuis mai 2018, selon le nouveau rapport annuel de la Commission d'enquête des Nations Unies sur le Burundi. Dans le rapport qui sera présenté au Conseil des droits de l'homme, qui se tiendra le 17 septembre prochain à Genève, le président de cette commission, Dodo Diène, relève un climat de peur à quelques mois des élections. Le conseiller du président de la République chargé de la communication, Willy Nyamitwe, a indiqué sur son compte Twitter que le Burundi n'est plus intéressé de répondre aux mensonges et à la manipulation d'opinion de la part des Occidentaux qui ne visent que la déstabilisation du pays. On fait le point avec Aubin Niyonkuru. À moins d'un an des élections présidentielles, parlementaires et locales en 2020, la commission d'enquête des Nations Unies sur le Burundi a conclu dans son rapport publié ce mercredi à l'existence d'un climat de peur et d'intimidation de toutes les personnes qui ne démontraient pas leur soutien au pouvoir. Le rapport met un accent sur les crimes qu'a relevé cette commission, dont les meurtres, des arrestations et détentions arbitraires, des actes de torture et des mauvais traitements contre les membres de l'opposition politique, réels ou présumés. La commission constate que le niveau de violence que les qualifie d'alarmant est alimenté par l'impunité généralisée qui prévaut au Burundi. Lucie Assouagbor, membre de la commission, dit que l'étouffement des voix contraires est ce qui permet au pays de présenter une illusion de calme. Les conclusions de la commission précisent que le rapport est basé sur plus de 1200 témoignages de victimes, de témoins et d'auteurs présumés de violations des droits de l'homme et d'autres sources recueillies au cours de trois dernières années d'enquête. Sur son compte Twitter, le conseiller principal chargé de la communication à la présidence de la République du Burundi, Willy Nyamitwe, a dit, je cite, « Le Burundi n'est plus intéressé de répondre aux mensonges et à la manipulation d'opinion de la part des Occidentaux qui ne visent que la déstabilisation du pays. » Aubin Niyonkuru, contacté par la rédaction Isanganiro, le ministre en charge des droits de la personne humaine, Martin Ivyabandi, a déclaré de son côté que le gouvernement s'exprimera après le 17 septembre prochain, date à laquelle ce rapport sera présenté à Genève devant la commission onusienne des droits de l'homme. Je l'avais dit dans les titres, deux enfants vivant en situation de rue sont poursuivis pour viol et restent retenus au cachot de police à Muyinga depuis deux jours. Ils ont été arrêtés au centre d'assistance des jeunes vulnérables pour le développement où ils étaient de passage pour réintégrer les familles d'origine. Le représentant de ce centre trouve qu'il faut un appui technique et beaucoup de séances de moralisation avant la réintégration familiale de tels enfants qui ont développé un comportement d'homosexualité. Dieudonné Zeyman. Les deux mineurs au cachot sont âgés de 15 ans. Leur interpellation a eu lieu au centre de l'association d'assistance pour jeunes vulnérables pour le développement HVD. Poursuivis pour viol, ils ont été dénoncés par d'autres enfants hébergés jusque-là ensemble à ce centre de transit pour la réinsertion familiale des enfants en situation de rue. Des enfants qui signalent être victimes de viol avec des pratiques d'homosexualité ou avec des prostituées adultes. Si des preuves à charge de deux mineurs sont déterminantes, ils sont à transférer dans un centre de rééducation des mineurs, confie une source policière. Amir Ouizera, représentant d'organisation AJVD, intervenant en matière de protection des droits des enfants et qui accompagnait bon nombre d'enfants au centre de prise en charge intégrée des victimes des violences basées sur le genre, signale que tous ces enfants victimes de ces actes ont besoin d'un encadrement particulier, recentrer leur pulsion, nécessite un appui technique. Si de tels enfants sont envoyés directement sur les collines d'origine, le risque est grand de voir ces pratiques gagner du terrain. Muyinga Dieudonné Nzeimana, Radio Isanganiro. Parlons femmes. On parle femmes pour dire que la vie d'une femme dans un ménage peut être déconsidérée par son conjoint, comme l'indiquent certaines femmes de la colline Kayové, en commune et province Routana. Cette attitude peut être une source de mauvaise cohabitation et de sous-développement dans la famille. Le conseiller communal de Routana, chargé des affaires sociales, explique que ce comportement des hommes est lié à la culture burundaise. Vestine Botoy. Certaines femmes de la sous-colline Guanumu, colline Kayové, en commune et province de Routana, déplorent n'avoir pas le droit de prendre une décision au sein de leur foyer, puisque le mari en est le seul détenteur. Tu n'as qu'à lui laisser prendre la décision, puisque c'est ton supérieur. C'est lui qui a demandé ta main, raison pour laquelle il te donne des ordres. En tant que femme, le pire est de ne pas avoir ce droit de prendre une décision, de punir son enfant après qu'il ait commis une faute, poursuit une autre femme. En ce qui concerne l'éducation des enfants, on doit trouver un accord avec son époux parce que, par exemple, quand un enfant commet une faute et que ton mari refuse qu'on corrige en tant que femme, cela te fait mal. Cependant, un des hommes de cette localité affirme que la meilleure décision soit consensuelle. Cela est impossible. Vous devez prendre une décision étant ensemble. On ne doit pas se borner sur l'idée de celui qui est supérieur à l'autre. En tant que conjoint, vous êtes tous égaux. La dévalorisation de la vie d'une femme ferait tomber la famille en ruine, conclut la femme de cette colline Kayové. Il peut y avoir des conséquences néfastes car vous n'êtes pas sur la même longueur d'onde. Ainsi, cela peut ruiner la richesse familiale. Le conseiller de l'administrateur de la commune, Routana, fait savoir que la déconsidération de la vie d'une femme trouverait racine dans la culture burundaise. Généralement, une femme a les capacités de contribuer au développement de la famille, surtout que le développement de la famille est une affaire de deux époux. Mais suite à l'héritage culturel, on peut trouver des cas où la contribution de la femme n'est pas considérée. Idée épousée par docteur sociologue Alexis Ndabarushimana, qui ajoute parmi les facteurs défavorisant la femme à prendre une décision dans son foyer, le fait de ne pas voir les choses de la même manière. C'est vrai, il y a des cas, il y a des familles où les femmes sont reléguées au second rang, il y a des familles où la femme est déconsidérée par son conjoint. Ça arrive, on connaît des cas. Dans la tradition, on ne vivait que de l'agriculture et de l'élevage, on n'avait qu'une seule source, donc il s'agissait d'aller dans les champs, labourer, récolter, manger, nourrir sa famille. Alexis Ndabarushimana demande que les propos d'une femme au sein des ménages soient considérés pour le développement familial du moment que celui-ci repose sur la collaboration des conjoints. Vestine Boutoyi depuis Routana où il est 13h03. Comme à Bujumbura. Un détenu qui purge le quart de sa peine ne doit pas être automatiquement libéré, comme certains le pensent. Et cela est dit par la ministre de la Justice. C'était hier, lors des questions orales à la Chambre basse du Parlement. Les élus du peuple ont voulu savoir la raison qui fait que certains prisonniers ayant purgé le quart de leur peine restent en prison. Aimé Laurentine Kanyana a expliqué qu'il y a des formalités et procédures à suivre avant la libération de ces prisonniers. On l'écoute. En ce qui concerne les prisonniers qui ont déjà purgé un quart de leur peine, les services pénitentiaires sont en charge du suivi de leurs dossiers. Ces derniers sont transférés vers les parquets pour vérification. Les prisonniers ayant été en maison de détention pour diverses raisons, par exemple pour vol ou pour cause des récidives, au cas où un prisonnier purge un quart de sa peine, sa libération n'est pas automatique. Une telle personne ne peut avoir commis une infraction grave ou même se retrouver en situation de récidive. La mise en liberté d'une telle personne peut être en danger pour la société. C'est pour cela qu'il existe une commission permanente en charge du suivi des dossiers des détenus. On fait tout pour vérifier qu'on ne relâche pas le fauteur des troubles dans la société. Cela demande beaucoup de vigilance. On fait de notre mieux pour mettre en liberté des gens qui le méritent. Une autre chose est que celui qui purge un quart de sa peine n'est pas libéré et la réparation des dommages qu'il aurait causés. La justice doit se rassurer que les préjudices causés par l'infraction commise ont été réparés. La ministre de la Justice, Aimée Laurentine Kanyana, hier à la Chambre basse du Parlement lors des questions orales. Elle était traduite par Mireille Naomi Nitegeka. Je vous l'avais dit dans les titres, des épaves s'observent toujours dans certaines avenues de la zone Bouyenzi à mairie de Bujumbura, alors que le maire leur avait donné un mois depuis novembre 2018 pour les avoir enlevées et que visiblement ce délai est largement dépassé. Des mécaniciens disent que certains de ces derniers sont en attente de réparation et ce que a pu constater notre reporter, c'est que la disposition des voitures en réparation sur un des côtés de l'avenue est respectée. Moïse Misago. Dans différentes avenues de cette zone, des voitures en réparation sont garées au côté droit de ces avenues. Des mécaniciens disent que c'est respecter la mesure qui a été prise par la mairie de Bujumbura. Ils indiquent que cette disposition facilite la circulation. Cela est ainsi suite à la décision du maire de la ville de Bujumbura de mettre en un seul côté ces voitures qui encombraient la circulation. Il nous a aidés puisqu'il n'y avait pas des autres endroits destinés à cela. C'est pourquoi nous avons exécuté cet ordre. Ceux qui n'obéissent pas à cette disposition sont punis, indique-t-il. Malgré cette disposition, des épaves s'observent toujours dans certaines avenues. Ces mécaniciens disent que certaines d'entre elles sont des voitures en attente de réparation. C'est vrai, à certains endroits, ces épaves s'observent, mais leur réparation ne peut se faire en un jour. D'autres pas nombreux, on y tire des pièces à des classes. C'est pourquoi vous voyez ces véhicules, mais pas beaucoup. Cela étant, le maire de la ville de Bujumbura avait donné un délai d'un mois depuis novembre 2018 pour que ces mécaniciens disposent des voitures d'un côté lors des réparations et d'enlever toutes ces épaves. Moïse Misago et certains habitants du quartier Kinanira dans la localité communément appelée Tchétchénie déplorent la suspension depuis plus ou moins 4 mois des travaux de réhabilitation du boulevard Moutaga menant vers la zone Moussaga. Ils craignent l'aggravation de la situation lors de la saison pluvieuse à venir. Ils supplient les responsables de reprendre ces travaux dans les meilleurs délais. Le constat d'Ornella Mucho. Sur le boulevard Moutaga, au lieu communément appelé Tchétchénie, c'est dans le quartier Kinanira 2. Le constat est que les travaux de réhabilitation de cette route divisée en deux parties sont suspendus. Certains usagers de cette route s'indignent que la circulation est perturbée. L'un d'eux souligne qu'ils doivent partager le petit chemin ou des fois ils font des accidents. Un des habitants de cette localité dit avoir peur des dégâts qui pourront s'amplifier, surtout durant la saison pluvieuse qui approche. Il demande aux responsables de faire le tout possible pour reprendre ces travaux avant que les dégâts ne continuent à dégénérer. Ce ravin qui a coupé le boulevard de Moutaga s'est observé depuis le mois d'avril de cette année. Ornella Mucho, des défis sécuritaires et des organes prévus par les lois régissant la communauté est-africaine mais qui n'ont pas été mis en place dans tous les pays membres sont certains des défis que connaît cette communauté. Ce sont des précisions données par la ministre Isabelle Ndahayo, chargée de l'intégration du Burundi à la communauté de l'Afrique de l'Est. Ce jeudi, elle est en train de répondre aux questions orales des élus du peuple à l'Assemblée nationale. Elle ajoute également que des étrangers s'immiscent parfois dans la gestion de la communauté de l'Afrique de l'Est. On fera le point dans notre édition de la soirée. Notre reporter Elinibel Nibigira se trouve là-bas pour nous. On marque une courte pause. Isanganiro, la radio de l'avenir. Les responsables scolaires et les enseignants, de même que les parents d'élèves et l'administration, doivent agir chacun en ce qui le concerne pour redresser ce secteur. Cela a été recommandé ce mercredi à Rumonge lors d'une réunion de la direction provinciale de l'éducation et de la formation technique et professionnelle de Rumonge et les chefs d'établissement scolaire afin d'arrêter ensemble des stratégies en faveur de l'amélioration des résultats scolaires dans cette province classée dernière lors du concours national édition 2019. Et en actualité africaine, en Érythrée, après les hôpitaux et les centres de santé en juin dernier, c'est le tour des écoles de l'Église catholique d'être fermées par les autorités. Au moins 8 établissements ont été saisis et occupés par des soldats ce mardi, privant plusieurs milliers d'élèves de rentrée des classes. Cette nouvelle reprise en main est le dernier épisode d'un bras de fer qui oppose l'Église et les autorités de ce pays fermé de la Corne de l'Afrique. Le bras de fer avec le Vatican se durcit donc. Il semble que, se prévalant d'une loi de 1995, le gouvernement érythréen entende faire payer aux évêques leur sortie publique répétée, s'alarmant dans l'exode continu des jeunes vers l'étranger et demandant des réformes politiques. Et le pape François entame un périple de 6 jours dans l'océan Indien. Il est arrivé ce mercredi soir 4 septembre à Maputo, la capitale du Mozambique. Le week-end prochain, il sera dans la capitale malgache, d'où il fera un aller-retour lundi à l'île Maurice. Il s'agit de son 2e voyage en Afrique subsaharienne. Et dans la capitale du Mozambique malgache, l'accent sera mis sur la lutte contre la pauvreté et la justice sociale. Après le Kenya, l'Ouganda et la Centrafrique, après l'Égypte et le Maroc, le pape François retrouve le continent africain. Comme nombre de ses voyages passés, François se présente en pèlerin de paix dans des pays marqués par la division, explique le correspondant Eric Sennac, correspondant de RFI à Rome. Lors de ses différents rendez-vous, le pape, comme lors de chaque voyage, rencontrera également de nombreux jeunes à qui il compte délivrer un message d'espérance et d'encouragement dans des pays où les perspectives sont parfois bouchées. Ainsi se referme ce journal. Merci à vous tous de l'avoir suivi. Je rappelle que le rapport annuel de la Commission onusienne d'enquête sur le Burundi fait état de la persistance de violations graves des droits de l'homme depuis le mois de mai 2018 et relève aussi un climat de peur à quelques mois des élections générales. Au niveau du gouvernement, pas de réaction, du moins pour l'instant. Et le délai d'un mois qui avait été donné aux mécaniciens de Bouyenzi depuis novembre 2018 pour enlever les épaves qui s'observent toujours dans certaines avenues est largement dépassé, comme a pu le constater notre reporter. Et notre correspondant de Muyinga nous a rapporté que 2 enfants vivant en situation de rue poursuivis pour viol et homosexualité restent retenus au cachot de police à Muyinga depuis 2 jours. Et dans la rubrique Parlons Femmes, dès jeudi, vous l'avez suivi, nous avons été sur la colline Kayové, c'est en commune et province Rutana. Notre reporter nous a parlé des femmes qui estiment que la vie de femme dans le ménage est souvent déconsidérée par leur conjoint. C'est la fin de ce journal. Merci à vous tous de l'avoir suivi. Les 13h14 à Bujumbura et sur Isanganiro. Merci à toutes les équipes de la rédaction et de la technique qui m'ont aidé à réaliser ce journal. Au micro, Jean Bosco Douimana. Un bon après-midi.